les mots. Que veut dire les mots? Ils ne veulent dire que ce que le mental et l'émotif leur permettent de dire. Les mots sont sous l'influence vibratoire de ces deux plans chez l'homme. Si l'homme était conscient, il serait conscient des mots et il s'apercevrait alors que les mots n'ont de fonction que d'alimenter celui qui parle et celui qui écoute. Ils n'ont aucune fonction autre. Toute autre fonction n'est qu'une déformation psychologique de la valeur réelle des mots, et c'est cette déformation qui est à la base de la tour de Babel qui s'élève encore aujourd'hui dans le monde de l'homme. Les mots sont sérieux pour l'homme inconscient, car il croit les créer lui-même. Donc, il croit qu'il réfléchisse son être, lorsqu'en fait, il ne réfléchisse que sa mémoire mécanique et absente de créativité réelle. L'homme est tellement impressionnable que les mots ont pour lui une valeur, alors que la seule valeur des mots est une question d'astralité ou de lien émotif entre la forme et l'homme. L'homme est fou des mots et rendu fou par les mots, car il croit que les mots renferment des clés, lorsqu'en fait les clés sont cachées, enfouies dans la vibration des mots. Les mots cancellent l'intelligence lorsqu'ils sont exploités émotivement par l'ego, car ils se fracturent dans leur forme et ne laissent voir que ce que l'ego veut voir par le jeu de ses émotions. Les mots ont été donnés à l'homme afin de lui permettre de penser, mais ils ne lui ont pas été donnés pour qu'il étouffe son intelligence et corrompent l'intelligence des autres hommes par leur pouvoir vibratoire irréalisé. Les mots viennent de l'esprit et doivent retourner à l'esprit. Autrement dit, ils viennent de l'esprit et doivent faire vibrer l'esprit dans l'homme. Mais ce n'est pas le cas chez ce dernier. Ils viennent de la mémoire et font vibrer la mémoire. Donc, ils ne servent pas l'homme ou l'esprit de l'homme, mais les forces astrales inférieures en lui. Les mots créent des images dans le mental de l'homme et ces images deviennent des aspects que l'homme recherche ou veut garder en lui, car ces aspects ont été créés par des mots auxquels l'homme s'attache. L'homme inconscient ne peut pas vivre sans attache. Il est confortable dans l'attachement, et pourtant, c'est l'attachement qui le sévère de lui-même, de l'esprit, de l'intelligence réelle. Les mots n'ont d'intelligence que lorsqu'ils ne servent plus l'ego inconscient, mais servent la vie de l'homme. Grande différence entre le service à l'ego et le service à la vie de l'homme. L'ego inconscient, c'est une réflexion des mots, des pensées qui sont des mots intériorisés. Et la vie de l'homme, c'est l'activité de l'esprit de l'homme dans la matière. Tant que les mots n'ont pas été libérés de l'ego, ils ne servent que les formes ou les forces inférieures dans l'homme, et l'homme alors ne peut sentir son esprit à travers les mots. Il ne sent que lui-même, qu'une mémoire activée et sans vie réelle. Les mots semblent donner une dimension de réalité à l'homme, car il a besoin d'eux pour mesurer son état psychologique. Or, son état psychologique n'est qu'un reflet très inférieur de l'esprit qui se cache dans la vibration des mots et non dans la forme. Les mots ont de l'utilité, car ils permettent à l'homme conscient de réaliser qu'ils servent à transmuter le matériel émotif de l'homme afin de le raffiner, ce que nous appelons l'expérience. Car dans l'expérience, l'homme doit se servir des mots ou des pensées pour prendre conscience de l'expérience et voir où elle le mène. Mais tant que l'homme n'a pas perdu l'émotion dans ses mots parlés ou entendus, il ne peut réaliser que l'esprit est derrière tout ce qui est vie dans l'homme. Les mots permettent à l'homme de comprendre son expérience, par comparaison, alors qu'il devrait comprendre son expérience vibratoirement, sans forme, afin de ne pas avoir à y penser et ainsi ne pas avoir à en souffrir psychologiquement. Dans le passé de l'homme, les mots ont été associés avec l'intelligence, avec l'intellect humain. Demain, ils seront associés avec l'esprit dans l'homme. Et lorsque l'esprit sera en puissance dans l'homme, ils deviendront énergie et pouvoir. Les mots ne peuvent pas donner à l'homme inconscient ce qu'il cherche, car ils sont canalisés en lui selon le degré de relation qui existe entre son mental et son esprit. Or, le mental de l'homme inconscient est tellement loin de l'esprit que ce dernier ne peut se faire réaliser que par intuition. Et l'intuition est la seule porte par laquelle l'esprit peut se manifester à l'homme tant qu'il n'a pas compris la nature des mots. Alors seulement l'esprit peut-il communiquer avec lui. Lorsque les mots ont été tués dans l'homme, que la forme n'a plus d'importance, l'homme commence à communiquer avec l'esprit de plus en plus, jusqu'à ce que les mots qu'il parle soient le produit de l'activité créative de l'esprit à travers la forme. Les mots ont le pouvoir de détourner l'homme de son intelligence créative, ou de canaliser cette intelligence créative s'il possède un état de conscience supérieur. La conscience humaine est supportée par les mots, mais elle est aussi restreinte par les mots, qui ne prennent pas racine dans l'esprit, mais plutôt dans la mémoire seulement. Les mots tentent l'ego, car ils lui donnent l'impression d'être intelligent, alors que son intelligence n'est que mécanique, c'est-à-dire sans fondement réel. Car pour que l'intelligence de l'ego ait un fondement réel, il lui faut être sans réflexion. Tant que l'homme n'a pas saisi le sens de ses paroles, le sens interne de ses paroles, le sens qui lui permet de sentir la vibration de son intelligence, il n'est pas dans l'intelligence des mots, il ne vit que de la réflexion de l'ego à travers les mots. Et cette réflexion, bien qu'elle puisse dénoter une forme d'intelligence, n'est pas intelligence réelle, car l'intelligence réelle ne peut être qu'absolue dans sa vibration. Comme l'intelligence réelle est absolue dans sa vibration, son énergie fait vibrer l'ego et doit être absorbée par lui mentalement et émotivement. Si les plans subtils ont été ajustés, l'homme perçoit l'intelligence d'une façon catégorique et absolue. Sinon, il la perçoit d'une façon relative et ambiguë. Les mots traduisent dans la vie le portrait de la vie, tel que peint par l'intelligence créative, lorsque l'homme est conscient. Mais cette vision de la vie, telle que peinte par l'intelligence, ne peut être perçu, absorbé par l'ego, que s'il a suffisamment d'intuition pour la recevoir. Sinon, l'ego s'opposera à l'intelligence dans les mots, et dès qu'il s'y oppose, il se sévère de l'énergie vibratoire de la forme qui peut l'ouvrir sur la réalité absolue et inconditionnelle de l'intelligence pure. Une des grandes difficultés vis-à-vis les mots que connaîtra l'homme nouveau sera liée à une ancienne habitude de toujours chercher à travers les mots une vérité quelconque. La recherche d'une vérité est une recherche de l'ego pour se sécuriser. Cette recherche ne fait pas partie de l'intelligence pure chez l'homme. Et comme l'intelligence, pour se canaliser librement, a besoin d'un passage libre chez l'homme, ce dernier sera obligé, à certains moments, de subir le choc que crée l'intelligence lorsqu'elle se moque de la vérité que recherche l'ego afin de l'amener petit à petit à se dégager de la polarité du vrai ou du faux, qui le bloque émotivement d'une réception totalement mentale de l'intelligence. Les mots interviennent dans la vie de l'homme par vagues successives. Et ces vagues, que nous appelons conversation, communication, servent, lorsque l'homme se conscientise, à le rendre conscient du pouvoir de l'énergie dans les mots et de l'illusion de la forme de ces mots. Passer de la forme à l'énergie est un tour de force pour l'homme. Et si l'homme de la Terre pouvait instantanément passer de la forme à l'énergie des mots, la conscience de la Terre serait instantanément supramentale et cosmique. Les mots transfèrent une quantité minimale d'énergie chez l'être inconscient, car il n'a pas la sensibilité requise pour absorber les vibrations supérieures de l'intelligence véhiculées par une forme plus puissante. Donc l'homme inconscient se nourrit constamment de paroles mortes, paroles qui ne veulent rien dire, et dès qu'il se conscientise et qu'il s'aperçoit de ce phénomène, il ne peut plus parler avec des êtres qui n'ont pas la sensibilité de la vibration dans la forme. Les mots proviennent d'une substance encore inconnue de l'homme, que l'on appelle énergie du feu électrique. L'énergie du feu électrique est une énergie qui transforme les corps subtils lorsque ces derniers en sont transpercés, car cette énergie ne peut être arrêtée par l'ego. Le mot inconscient ne possède pas le pouvoir du feu électrique, car il n'est pas conscientisé, c'est-à-dire qu'il ne peut véhiculer cette énergie, car la mentalité subjective l'en empêche. Pour que le feu électrique dans le mot puisse être utilisé par l'homme, il faut que ce dernier soit conscient de l'origine des mots. Et pour le moment, l'origine des mots se situe pour l'homme dans l'esprit. Mais un jour, l'homme découvrira d'autres aspects de l'esprit et réalisera que l'esprit est feu électrique d'une certaine catégorie et que ce feu électrique a le pouvoir de consumer les matières denses de l'homme, dont le mental inférieur, l'astral, le vital et le matériel. Les mots étant un feu électrique peuvent consumer, c'est-à-dire transformer les matières subtiles de l'homme, car ils ont le pouvoir d'arrêter la formation chez l'homme d'illusion ou d'inconscience, et c'est ce pouvoir des mots qui mène au pouvoir de la parole sur les différents plans de la réalité. Les mots mangent, se nourrissent de l'énergie inférieure du plan mental inconscient et du plan astral inconscient. Ils ont le pouvoir, s'ils sont intelligents réellement, de tout manger, de tout consumer l'énergie de basse vibration sur ces plans, afin de ne laisser qu'un passage libre à l'énergie de haute vibration que nous appelons l'esprit. Ceci mène l'homme à la fusion. La fusion est un phénomène de déplacement, un phénomène qui enlève ce qui est inférieur en énergie chez l'homme pour ne laisser qu'une voie ouverte, non obstruée, afin que l'énergie supérieure de l'esprit puisse se fondre au plan inférieur et planétaire de l'homme. L'esprit est infini, donc les mots sont infinis. Mais pour que l'homme bénéficie des mots, il faut qu'il puisse les absorber vibratoirement au niveau de leur feu électrique, car c'est dans cette expérience que l'esprit remplace le voile ou le vieil ameublement de l'ego pour lui faire voir un ameublement totalement neuf et sans mémoire. Les mots ne peuvent instruire l'homme que s'il perd intérêt dans leur signification, pour ne prendre conscience que de leur impact, de cet impact qu'ils créent sur les plans subtils. C'est toujours le phénomène du choc qui crée la consommation par le feu électrique dont sont faits les mots. Les mots ont le pouvoir de changer la conscience de l'homme, pourvu que lui ait la capacité d'en absorber l'énergie. Tous les hommes ont différents niveaux de sensibilité. C'est pourquoi ils n'ont pas tous la même capacité d'absorber l'énergie du feu électrique véhiculé dans les mots, par celui qui sait la faire passer, cette énergie. Les mots conscients font trembler l'homme, car il est construit de formes. Et sa personnalité réfléchit la totalité de l'énergie inférieure de ses formes. Dès que cette énergie est élevée en vibration par le choc des mots, elle cherche à se canaliser par les voies les plus faciles, les plus rudimentaires, dont le doute est la plus grande. Car le doute cherche à rééquilibrer ce qui a été troublé dans l'énergie de l'homme. Le doute veut maintenir le statu quo. Le doute, c'est l'homme planétaire face à l'homme cosmique. Le doute marque l'impuissance même de l'homme planétaire. Alors que les mots conscients traversent l'homme, comme le feu traverse la matière, il se crée chez lui une fin de vie et le commencement d'une autre. Car ce sont les mots, parlés par ceux qui savent parler, qui créent les conditions d'une vie nouvelle, car seule l'énergie du feu électrique peut changer l'énergie inférieure de l'homme pour lui faire connaître une nouvelle vie. Mais la nouvelle vie n'est pas facile en ses débuts, car l'homme possède une mémoire, et cette mémoire se refuse à la nouvelle vie, car elle fait partie de l'ancienne. Le feu électrique des mots, une fois qu'il a commencé à consumer les matières de basse vibration, ne peut plus être renversé, car déjà l'ancienne vie a été troublée, c'est-à-dire changée. Et tout changement réel est irréversible. Les mots naissent de la nécessité et non du besoin d'expression. La nécessité d'expression fait partie du mystère de l'esprit, que l'homme ne comprend pas encore, tandis que le besoin d'expression fait partie de l'illusion de l'ego qui cherche à échapper à la réalité de l'esprit, en se créant un tableau. La nécessité d'expression est la clé qui ouvre la porte à l'unité de l'homme, à l'unité du planétaire et du cosmique. Tandis que le besoin d'expression ne fait que donner à l'ego l'impression qu'il existe en tant que tel, lorsqu'en fait, son existence est déjà vécue sur d'autres plans par l'esprit, à travers les illusions programmées de l'astral, rendues ou manifestées dans le temps et l'espace de l'homme. Si l'ego était conscient de ceci, il ne voudrait et ne pourrait pas vivre, car le poids serait trop grand sur ses épaules. Donc, l'ego de l'homme nouveau sera tellement transformé que l'homme pourra facilement échapper au pouvoir gravitaire de la Terre, car c'est l'ego qui garde l'homme prisonnier de la gravité. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne pourra plus s'identifier à lui-même, mais plutôt que l'homme s'identifiera à la partie cosmique de lui-même, à la partie immatérielle et intelligente qu'il appelle encore aujourd'hui son esprit. Les mots ont le pouvoir, lorsqu'ils sont parlés par ceux qui savent parler, d'éliminer l'impression profonde chez l'homme d'un ego programmé, c'est-à-dire d'un ego qui ne peut connaître la liberté ou l'exploitation des domaines occultes de la nature. Mais pour que les mots traversent l'épaisse couche de l'inconscience égocentrique, ils doivent être soufferts, c'est-à-dire absorbés, sans recul, sans rationalisation. Car la rationalisation des mots permet à l'ego de s'attribuer quelques fragments de vérité qui ne constituent en fait aucune protection réelle contre le pouvoir vibratoire de la conscience qui sait reconnaître l'esprit à travers les mots parlés consciemment par ceux qui savent parler.